troisième temps de notre série sur l'histoire des métiers. Ce matin, débat sur l'invention de ce qu'on appelle la République européenne des bureaux. Nos invités nous expliqueront ce qu'ils entendent par là. Lundi, nous avons reçu François Jarige qui nous a expliqué comment certains métiers ont résisté à la modernisation industrielle du 19e siècle. Hier, nous nous sommes intéressés à la question récurrente en France de la revalorisation du travail manuel. Demain, nous allons comprendre dans le documentaire d'Amélie Meffre et de Marie-Laure Ciboulet comment le métier de typographe a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à la naissance d'un séminaire de l'École des Chartes sur la République européenne des bureaux. De quoi s'agit-il? Comment la première modernité des 16e, 17e siècles a-t-elle connu le développement de ces questions de bureaux? Nous le verrons avec Anaïs Quien, qui co-animera cette émission avec nous, avec Jérémy Ferrer-Bartemeux, qui est un des initiateurs avec Johan Petitjean de ce séminaire. Il est docteur en histoire de l'École des Chartes et ancien membre de la Casa de Velasco. Il est auteur d'une thèse qui s'intitule « L'État à la lettre ». Avec nous également Vincent Mézy qui participe à ce séminaire. Il est maître de conférences en histoire moderne à Paris-Nanterre. Et Tiphaine Gomis, elle est docteur en histoire, archiviste paléographe et conservateur du patrimoine, auteur d'une thèse à l'École des Chartes sur les couvre-chefs. On verra ce que cela a à voir avec notre sujet. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Tiphaine Gomis. Bonjour. Bonjour à vous Vincent Mézy. Bonjour. Et bonjour à vous Jérémy Ferrer-Bertomeux. Nous écoutons pour l'instant la sonatine bureaucratique de Eric Satie. Alors bureaucratique, ça n'existe pas ce terme, j'imagine, au XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle, qui est votre période de référence. Bonjour Emmanuel Laurentin, merci de nous recevoir. C'est en débat, c'est en question. Je pense qu'il y a des bureaux. On pense, avec Johan Petitjean, au séminaire, qu'il y a des bureaux, puisqu'il faut qu'il y ait des situations d'écriture, il faut qu'il y ait des commis, il faut qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des instruments de travail qu'on range et qu'on utilise. Des bureaucrates, c'est peut-être un peu plus douteux. Ouais. Il y a peut-être des bureaux sans bureaucrates. Il y a des administrateurs, alors. Il y a des administrateurs, il y a, Vincent en parlera sans doute, des officiers, des magistrats. Il y a toute une foule de gras de papier qui travaillent 15 heures, 20 heures par jour sur leur table de travail. Donc oui, ils sont dédiés comme consacrés à l'écrit politique et je pense que s'ils ne sont pas bureaucrates, ils sont tout du moins consacrés à l'écrit politique. C'est le thème de votre thèse, donc sur l'État à la lettre, une thèse où vous travaillez sur les situations d'écriture, sur l'inflation documentaire entre la deuxième moitié du XVIe siècle, juste avant le début des guerres de religion, au moment des guerres de religion, jusqu'aux années 1620, et vous dites il y a là la matière d'une sorte de transformation, Jérémy Ferrer-Bertemeux, d'une transformation de l'État. On a souvent pensé que l'État était né au milieu du XIIIe siècle, par exemple, c'est souvent ce que l'on dit. Il y a tous les travaux, évidemment, de Jean-Philippe Genet sur la naissance de l'État moderne. Et vous dites qu'il y a un moment important, c'est ce moment-là, justement, des guerres de religion. En effet, je pense que... Alors le débat sur la naissance, l'origine de l'État, la fondation de l'État moderne, tout ça, ce sont des débats évidemment très intéressants. Cependant, moi, je les déporte un peu pour m'intéresser à ce moment des guerres de religion comme le chaudron de création de techniques de gouvernementalité nouvelle. Je pense que par l'écrit politique, qui sature... Qu'est-ce que vous appelez l'écrit politique ? Les papiers d'État et les correspondances diplomatiques, les États et les rôles des armées, les billets griffonnés à la hâte au camp. Tout ça fait partie, je crois, de ce que l'on peut appeler l'écrit politique, les papiers d'État. Et au 1er 16e siècle, nous allons voir, et les historiens l'ont bien repéré, une inflation, une croissance de cette technologie nouvelle qui va jusqu'à saturer l'ensemble des dispositifs politiques. Au début du 17e siècle, on est dans un autre monde. Anaïs Kien. Alors peut-être qu'on peut repérer un moment de bascule entre une période où la parole donnée, l'oralité dans les négociations, dans les échanges politiques fait foi, même s'il doit y avoir des témoins pour attester de l'existence de ce moment et de ces paroles échangées, cette bascule entre l'oralité et cet accroissement progressif de ce papier politique. Alors, en effet, le papier politique, comme le montre Hélène Michaud dans ses travaux pionniers, travaux qu'elle a développés avec Michel Antoine, il y a une dimension de preuve de l'écrit politique. Et il ne faut pas oublier que les guerres de religion sont des guerres civiles, et donc on est dans un monde qui bascule complètement. Mais pourquoi en a-t-on besoin, puisque jusque-là, ça n'est pas le cas ? En tout cas, nettement moins. Un peu moins, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un développement de la diplomatie permanente, il y a un développement de la guerre. Le roi est beaucoup plus dans une forme de retrait par rapport aux bureaux et aux autorités centrales. C'est le cas notamment d'Henri III, qui part très souvent en retraite religieuse, mais aussi retraite politique, pour essayer d'être plus au-dessus de la mêlée. Donc il faut communiquer avec lui. On a besoin de communiquer, et les bureaux qui sont installés sont des sortes de tours de contrôle de ce monde en train de basculer. Qui assure la continuité du pouvoir. Qui assure la continuité du pouvoir, qui assure la communication avec les différents ambassadeurs, qui assurent également la communication avec les gouverneurs et les lieutenants généraux du roi qui sont dans les provinces, dans la mesure où on est en guerre civile, il y a des armées qui traversent le pays, plusieurs camps, plusieurs états peut-être pourrait-on dire, et donc il faut assurer les communications entre les parties. Tenter de gagner des positions, gagner du temps, mentir, l'écrit politique permet ça aussi, écrire n'importe quoi, ne pas écrire, se dessaisir de tel ou tel papier en disant non, je n'ai jamais reçu votre lettre, alors que on l'a bien évidemment reçu. Tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants en guerre civile. Oui, et ce qui est très important aussi, c'est ce que vous nous expliquez dans votre thèse, Jean-Louis Ferrer-Bartomeu, c'est que on va aller chercher dans les milieux de la bourgeoisie, en particulier la bourgeoisie parisienne, ceux qui maîtrisent cet écrit pour d'autres fonctions. Vous avez des fonctions commerciales, des fonctions administratives de commerce ou de bourgeoisie, pourrait-on dire. Et ce sont eux qui, au moment des guerres d'Italie, vont être rapatriés au sein de la cour et vont mettre en place une procédure administrative, donc que vous appelez le bureau, qui va se développer progressivement dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que la construction de l'État moderne dans le second XVIe siècle, c'est un pari gagné pour la bourgeoisie parisienne essentiellement. Ça, ce sont les travaux très importants de Robert Desimon. Les bourgeois parisiens vont lier leur destin à la réussite de la monarchie valois. Bon, et puis ils vont très rapidement, pour certains d'entre eux, changer de cheval et rejoindre le camp d'Henri IV, le camp royal. Les bourgeois parisiens se mettent au service de la monarchie puisqu'ils ont des compétences marchandes, des compétences d'écriture de comptabilité, des compétences nombreuses qu'ils vont utiliser notamment quand ils seront trésoriers des guerres d'Italie. Dans le second XVIe siècle, vous allez avoir les fils, les petits-fils de ces trésoriers, de ces administrateurs qui vont devenir secrétaires du roi, secrétaires d'État. Mais cette fonction de secrétaire d'État, d'ailleurs, elle naît dans ce moment-là ? Elle naît dans ce moment-là. C'est dans l'institution des secrétaires d'État date de la fin du règne d'Henri II. Et vous allez avoir 4 secrétaires, puis 3 à partir de 1579, puis 4 ensuite, qui seront institués dans l'immédiat entourage du roi. Et ça, c'est nouveau, dans la mesure où vous avez ces personnages qui sont en fait pas des personnages de premier plan, qui sont des agents techniques, qui suivent le roi en permanence, qui rapportent l'essentiel des correspondances qu'il reçoit, et donc évidemment qui vont gagner en importance. Moi, celui qui me plaît beaucoup, c'est Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy. Sa famille est marchande. C'est le cœur de votre thèse. C'est le cœur de ma thèse. c'est le cœur de ma thèse. Oui, parce que il prend les fonctions au tout début de votre période et il meurt fin de cette période. Il a une exceptionnelle longévité. Il commence en 1567, il meurt en 1617. Sa famille, fin 15e, est une famille de marchands de marais, marchands de poissons. Son petit-fils, arrière-petit-fils, sera gouverneur de la personne de Louis XIV, maréchal de France. Il s'est passé quelque chose en 50 ans. Oui, Tiphaine Gomi, vous avez travaillé, vous, sur le métier de chapelier à Paris, à peu près à la même époque, dans cette première modernité. Il faut expliquer que les historiens utilisent ce terme de première modernité pour cette période de la fin du XVIe siècle en particulier. Ces chapeliers, ce milieu des commerçants parisiens, des artisans parisiens, est un milieu qui est justement organisé, comme le décrit Jérémy Ferrer-Bartomeu, pour pouvoir gérer ses affaires et donc commencer à avoir des propres archives, des archives personnelles sur lesquelles vous avez peut-être pu travailler un peu. Alors, bon, les chapeliers sont quand même très éloignés des secrétaires d'État. C'est une profession qui existe depuis très longtemps. On a les premières attestations dès le XIVe siècle. Malheureusement, pour eux et pour l'historien, ils n'ont pas produit d'archives personnelles, on trouve très peu d'écrits faits par eux-mêmes. En revanche, effectivement, on profite des archives produites par le reste de l'administration, donc les notaires, les archives judiciaires, qui nous permettent en fait d'appréhender ce métier. Alors effectivement, ils avaient des archives de corporation pour l'élection des jurés, pour les réceptions, mais malheureusement, à l'instar d'autres métiers parisiens, elles ont quasiment toutes disparu. Et on a l'atelier, j'imagine, on connaît l'atelier du chapelier, oui. Et vous les connaissez bien, parce qu'il y a des gravures et des choses comme ça qui vous permettent de les connaître. Il n'y a pas un espace particulier pour la gestion de ses affaires, ou est-ce que c'est au milieu de tout le monde? Est-ce qu'on se retire dans un endroit particulier? Alors donc l'organisation des ateliers en eux-mêmes est un peu complexe, parce que selon leur richesse, ça peut se trouver dans une seule pièce ou dans diverses pièces dispersées dans leur maison. Donc généralement, ils écrivent dans leur boutique, là où ils vendent les chapeaux, sur un comptoir. Et puis pour les plus riches d'entre eux, ils peuvent avoir un bureau réservé où là on trouve des écritoires, des petits tableaux, des livres. Mais difficile de dire s'il ne consacre cette pièce uniquement à des écrits professionnels ou également à des écrits personnels. Anaïs Quin. Oui, Jérémy Ferrer-Bartomeu, avec l'invention de ce corps de métier, de cette nouvelle structuration de l'exécution de la décision politique et de la gestion quotidienne du politique, on va aussi inventer une représentation de ces nouveaux personnages et aussi leur décor. Inventer ces bureaux remplis d'archives que l'on prend avec soi lorsqu'on part dans un premier temps, puis ensuite que l'État conservera lui-même, évidemment. Bien sûr, alors ça c'est une question fascinante. Le bureau, c'est plein de choses. Mais le bureau, c'est aussi ce tissu vert qu'on voit, par exemple, dans ce très beau tableau de Philippe de Champagne, Richelieu assis, écrivant. Évidemment, les administrateurs du XVIe siècle, comme on l'a dit, sont issus de la très bonne bourgeoisie parisienne. Quand ils se font représenter, on est un peu sur un État sans les mains. On ne voit pas le papier, on ne voit pas la cire, on ne voit pas les plumes. Mais cependant, au fil du 1er et 17e siècle, on va voir apparaître cette technologie documentaire absolument partout. Richelieu, qui est pourtant dans une position sociale qui n'a plus rien à voir avec celle de Villeroy, une position politique aussi, il se fait représenter avec les mains noircies en train d'écrire son bâton de cire. Et donc, il s'est passé quelque chose. Mais Richelieu a été à l'école de Villeroy, peut-on dire? Ah oui, il s'entendait très très mal, dans la mesure où il a été secrétaire d'État en 1616-1617, et voilà, le roi permettant de travailler avec Villeroy ne voulait pas travailler avec Richelieu, donc il est parti, emmenant toutes ses affaires, emmenant tous les papiers, tous ses instruments de travail, et donc on voit Richelieu au début de l'année 1617 écrire à l'ensemble des postes diplomatiques en disant « je n'ai rien pour travailler, mon bureau est vide ». Envoyez-moi les dépêches pour faire le meilleur service possible pour le roi. Anaïs Quin. Oui, parce que, Vincent Mézy, ce travail bureaucratique ne peut pas se passer de réseaux. De réseaux familiaux, mais aussi de réseaux avec les provinces. Cet État central qui se construit doit entretenir des réseaux d'informateurs et aussi des réseaux d'acheminement, tout simplement, de l'information. Alors, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans la seconde modernité, effectivement, la croissance de l'État passe par une croissance de l'État à l'échelle provinciale, à l'échelle locale, et une croissance notamment de ce qu'on a pu qualifier d'État d'office. Et ces officiers, effectivement, sont les maillons à l'échelle provinciale et à l'échelle locale de ces réseaux de circulation d'informations qui relient les provinces aux bureaux. Des secrétaires d'État, du contrôle général des finances après 1665. Donc, on a un nombre important d'officiers qui sont des officiers de justice, qui sont des officiers de finance, et qui sont des personnages qui sont souvent à la fois détenteurs des compétences juridiques, comme magistrats dans des bailliages, des sénéchaussées, ou des compétences financières, comme les élus. Et en même temps, ils développent, alors c'est la question débattue de la monarchie administrative, pour des compétences proprement administratives, puisqu'une partie d'entre eux deviennent subdélégués. Au XVIe siècle, le vivier, ça a été dit de ces administrateurs, c'était la bourgeoisie parisienne pour l'échelon supérieur. Au XVIIe et au XVIIIe, le vivier à l'échelle locale de ces administrateurs, que sont les subdélégués auprès des intendants, pour donner un exemple, ce sont ces officiers, notamment de rang moyen. Et ces officiers de rang moyen, ils sont choisis comment pour pouvoir justement exercer cette fonction royale dans des espaces de la province et donc se confronter forcément à des bourgeois des villes en question qui ne sont pas forcément d'accord pour cette pénétration profonde de l'administration royale jusque dans leur espace privé presque, puisqu'ils considéraient pour beaucoup de ces bourgeois dans ces villes-là que... Eh bien, ça leur appartenait, la gestion de ces villes ou la gestion de ces régions. Alors, en tant qu'officier, on a une transmission qui est, à partir de la mise en place de la fameuse Paulette au début du XVIIe, une transmission qui est souvent... La fameuse Paulette, faut peut-être rappeler aux auditeurs, et même à moi d'ailleurs, ce dont il s'agit, elle n'est pas si fameuse. Bon. Alors, c'est le sobriquet du droit annuel qui a été mis en place en 1604, qui est comme une sorte de prime d'assurance. L'officier verse un 1/60 de la valeur de l'office, et en échange de cette somme qui relativement modique, il a la liberté de transmettre ou de vendre l'office à qui il veut, ce qui est une étape très importante dans une, pour faire simple, une proto-histoire de la fonction publique. Mm-hmm. Et ça va durer, mutatis mutandis, jusqu'à la fin du XVIIIe. Voilà. Donc, du point de vue de l'office, il y a souvent cette transmission patrimoniale ou cette acquisition. Quand ils sont subdélégués, on est dans le deuxième grand type de régime, c'est le régime de la commission. Mmh. On a le régime de l'office et le régime de la commission. C'est une commission en second. Ils sont donc choisis par l'intendant. C'est qualifié de monarchie administrative dans la tradition lavicienne. Le terme est un peu ambigu puisque le choix repose aussi sur des liens de confiance personnelle. Mais oui. et des liens de zèle politique. On n'est pas encore dans une vision, disons, démocratique ou républicaine de la fin du XIXe siècle où on est choisi par concours, etc. Il y a encore beaucoup de choix qui sont totalement marqués par les relations interpersonnelles entre celui qui est nommé intendant, par exemple, et ceux qui sont autour de lui. C'est un mixte de relations personnelles et impersonnelles dans ces choix de nomination qui intervient quand on est dans le régime de la commission, mais qui intervient aussi dans certains régimes officiers, pour donner l'exemple, de postes importants qui sont des postes justement intrusifs pour les villes. La création des offices de lieutenants généraux de police en 1199 qui vont priver un certain nombre de villes petites et moyennes de leur pouvoir de police. Le choix ne se fait pas forcément au plus offrant, mais il se fait aussi pour des raisons politiques. On va choisir un homme qui va représenter le pouvoir royal dans la cité. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas toujours très bien. Vous avez décrit dans un de vos articles des relations très très conflictuelles avec quelqu'un qui intervient à Limoges au XVIIe siècle et qui va être terriblement rejeté par ceux qu'il est censé administrer et par ses collègues du cru, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va le désigner comme un étranger et le dénoncer aux autorités comme étant incapable, du fait de son absence totale de connaissance du territoire et des réseaux, peut-être locaux aussi, d'exercer correctement la charge qui lui est dévolue. Vous avez tout à fait raison. Là, vous faites allusion au cas de Jean-Baptiste de Vincent, qui était lieutenant général du présidial de Limoges, donc l'un des principaux officiers de justice de ce tribunal, et qui, en même temps, a exercé la fonction de subdélégué, donc de représentant du pouvoir royal. Et effectivement, c'est une fonction qu'il a mis en porte-à-faux, parce qu'il est étranger à la ville, il n'appartient pas aux élites sociales, donc effectivement il y a un manque d'autorité sociale, il y a un manque de crédit dans le sens polysémique du terme pour mobiliser des réseaux personnels et une autorité sociale à dimension patrimoniale, familiale. On lui reproche des comportements inadaptés. Alors après, il y a les reproches d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, parce qu'on est à un moment où on a un officier qui prend la pente de la monarchie dite administrative, et avec des méthodes qui sont des méthodes de gouvernement qui relèvent de l'extraordinaire, qui sont en rupture avec ces méthodes collégiales, qui sont des méthodes auxquelles les juges sont très attachés. Oui, et donc on voit bien effectivement le conflit d'autorité qui peut s'établir à partir de ce moment-là dans cet endroit autour de Limoges. On va continuer avec vous trois dans un instant, après avoir écouté une œuvre de Bertrand de Bassille, Un air de cour, le prélude pour luth et archiluth, qui date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Un air de cour de Bertrand de Bassille. Dans notre débat d'aujourd'hui, dans la Fabrique de l'Histoire, nous sommes dans une histoire des métiers et nous nous intéressons à ce que certains, et en particulier à nos invités, appellent la République européenne de bureau, qui a donné lieu à un séminaire pendant les 6 premiers mois de cette année, donc à l'école des chartes, autour de la question de l'écrit, du documentaire, du pouvoir, tous les thèmes qui seront d'ailleurs abordés pour la période médiévale dans le nouveau programme de concours de l'année prochaine, puisque écrit, pouvoir et société sera au cœur de cette histoire, ce qui prouve bien que la question de l'écrit est une question essentielle aussi bien pour les périodes antiques que les périodes médiévales, modernes et contemporaines. Alors, nous sommes avec vous, Tiphaine Gomis en particulier, vous avez travaillé sur les métiers de chapelier à Paris dans cette première modernité, fin du XVIe, début du XVIIe siècle en particulier. Comment les commerçants, comment les artisans que sont les chapeliers à Paris par exemple, vivent-ils la manière croissante d'un État qui s'est déjà bien forgé depuis 2 ou 3 siècles de peser sur leur corporation, de peser sur leur métier et de tous ceux qui viennent leur demander des comptes d'une certaine façon? Alors difficile de dire ce qu'ils ressentent, parce que donc contrairement donc à mes deux camarades, la corporation que j'ai étudiée, ce ne sont pas des professionnels de l'écrit, ce sont des professionnels du chapeau. Donc en fait, l'écrit pour eux c'est une chose, on va dire, secondaire. Ils subissent l'écrit des autres, ils font écrire leur histoire. Et donc ils recourent à des institutions plutôt que bureaucratiques, je dirais administratives, donc notamment les notaires pour tout ce qui est actes de la pratique à la fois personnel et professionnel. On les retrouve également dans les archives de la police. Alors ça c'est surtout pour la deuxième moitié du XVIIe siècle avec les commissaires de police de Paris. C'est-à-dire qu'on connaît d'eux leur démêlé avec la justice, leurs plaintes éventuelles, voilà, leurs décès. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui se passe mal. Leur bien au moment de leur mort. Voilà, tout et éventuellement ce qui se passe la vente ou voilà. L'échange de leur propriété. Il y a aussi des éléments qui se passent bien, les contrats de mariage, les contrats d'apprentissage, donc restons positifs. Mais donc, effectivement, c'est une parole, on va dire, c'est un écrit contraint puisque ça se coule en fait dans des formulaires. On le voit très bien pour les notaires. Il y a toute une série de formulaires qui sont imprimés dès le début du XVIe siècle. Et donc du coup, les éléments qui sont contenus dans ces documents sont très contraints. Parfois, ils n'ont pas répondu à certaines de mes questions. Et les documents les plus intéressants en fait sont ceux qui sortent de ces formulaires. Et notamment, j'ai en tête un contrat de mariage, en fait un contrat de remariage d'une veuve de chapelier. Donc avec un autre chapelier. Avec un autre chapelier, effectivement, restons corporate. Voilà. Et donc premier formulaire, tout se passe bien. Et puis dans la marge, il y avait toute une série d'écritures. Donc 16e siècle, faut imaginer que c'est un peu compliqué à lire quand même. Et là, en fait, le notaire était en panique totale puisque en fait le premier mari n'était pas décédé. Ah. Et donc du coup là, il se trouvait que il n'y avait aucun formulaire pour le guider, pour rédiger le fait que la dame s'était remariée, qu'elle avait eu des enfants avec son deuxième et son troisième mari, mais que le premier mari n'était pas décédé, qu'il était redécédé entre temps. Enfin bon, bref, c'était la panique. Donc ça, c'est ce genre de documents qui sont très intéressants et qui nous permettent en fait de voir des petits éléments et de sortir effectivement de cette parole contrainte. Qu'est-ce que vous appelez les écrits de la pratique ? Parce que pour nos auditeurs, ça n'est pas toujours évident. C'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on appelle les écrits de la pratique ? Oui, alors les écrits de la pratique, c'est pour résumer, les actes, notamment notariés, qui concernent toute la vie professionnelle, donc les contrats d'apprentissage, les contrats de vente, les inventaires après décès quand ils concernent en particulier les éléments, on va dire, professionnels, sachant qu'à l'époque, effectivement, le professionnel et le privé sont très mêlés. En ça, on se ressemble avec les secrétaires d'État et les officiers. Les contrats de mariage sont également avec des dynamiques professionnelles et personnelles. Donc c'est ça, les actes de la pratique. C'est très intéressant justement que de voir que cette frontière qui s'est dressée progressivement dans l'administration, en particulier entre le domaine du privé et le domaine du public, n'est pas encore très dressée. Justement, elle est au contraire très poreuse, Jérémy Ferrer-Bartomeu, dans ces milieux de secrétaires d'État qui viennent de la bourgeoisie. Et ça n'est que beaucoup plus tard qu'on arrivera justement à séparer le domaine du privé du domaine du public. Alors en effet, si on reprend les travaux d'Olivier Christin, notamment sur la paix de religion, on peut considérer que les guerres de religion sont des moments où on pense la politique, où on pense la République, le bien commun. Et je pense que si on regarde, et justement ce que dit Tiffaine est vraiment très intéressant, tous les petits moments où on sort des sentiers battus de l'écrit politique, des formulaires, si on s'intéresse aux ratures, aux annotations, on se rend compte que il y a une véritable anthropologie de l'écriture de ces secrétaires, de ces administrateurs, qui peut nous permettre de comprendre ce qu'ils disent de leur métier, ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Vous parliez tout à l'heure des écrits de la pratique, des sources de la pratique, mais je pense que si on conjoint l'ensemble de ces éléments, source de la pratique, écrit personnel, du fort privé, mémoire, on peut arriver à faire une ethnographie du travail bureaucratique, pour reprendre le sous-titre du très beau livre de Jean-Marc Veller, Fabriquer des actes d'État. Je pense que ces secrétaires qui s'incarnent dans ces pratiques professionnelles, qui écrivent tous les jours, parfois toute la nuit également, en fait, ils ont une pensée politique de ce qu'est l'État, de ce que devrait être l'État, et ils finissent par le dire. Ils finissent par, dans les annotations, dans les petites ratures, dans les petites notes de bas de page. Sans théorie, sans écrire un traité théorique comme Jean Bodin sur ce qu'est la République, on va mettre en pratique son idée de la République ou son idée de l'État. Exactement, les actes d'écriture sont des actes politiques. Ça, c'est un apport des travaux de Béatrice Frankel, qui a analysé les chaînes d'écriture, notamment à travers la signature, mais évidemment qu'il y a des actes d'État. Alors, ils ne font pas forcément beaucoup d'études, c'est ça qui est intéressant pour les secrétaires et secrétaires d'État. Pas beaucoup d'études. Villeroy, il entre dans les bureaux à 22, 23 ans, et il dit « je n'ai pas fait d'études ». Son grand biographe, Noyac, au début du 20e siècle, dit bon, « on ne connaît pas vraiment les livres de Villeroy, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en aurait fait ?» Voilà. Parce que en permanence, il produit. Il est dans l'action. Il est dans l'action, et il le dit, et il s'intéresse à cette action-là. Anaïs Quin. On peut s'interroger peut-être aussi sur l'organisation de ces nouveaux espaces, à la fois nouveaux lieux, nouveaux réseaux, nouvelles manières de gouverner, qui vont modifier l'entourage du roi, qui vont modifier d'une certaine façon même la composition de la cour elle-même, ou en tout cas sa place vis-à-vis du monarque. Il y a un premier règlement qui est intéressant parce qu'il est rédigé par Catherine de Médicis elle-même. Donc on voit bien l'importance qu'elle a. Finalement, elle insuffle l'esprit de cette nouvelle organisation de l'État par une lettre programme dont vous parlez très bien. Comment cela va évoluer, cette question du règlement qui, dans notre image de la bureaucratie aujourd'hui, la question du règlement est fondamentale et même le pivot de le culte même peut-être de la bureaucratie. Bien sûr. Alors c'est un coup de dé que Catherine de Médicis fait, puisqu'elle envoie une lettre programme en effet, et sa position politique n'est peut-être pas forcément assurée. Elle espère qu'elle va rester au sommet de la position politique qu'elle a. Et ce règlement est pris à Lyon par Henri III, qui revient de sa course folle depuis la Pologne qu'il avait élue. Il arrive et, alors que nous sommes en pleine guerre de religion, hein, c'est la période où on va avoir le plus de règlements. Et le plus de règlements pour la police de cour, pour le conseil, pour l'écrit. Il y a une chose qu'il faut peut-être dire, c'est que la cour va se peupler de très très très très nombreuses personnes qui viennent solliciter, demander un gouvernement. On est en guerre civile. Faut imaginer que pendant une guerre civile, il y a des positions à gagner. Il y en a à perdre, mais il y en a aussi à gagner. Et donc, le roi, Henri III notamment, comme l'a très bien montré Nicolas Leroux, va tenter de mettre tout ça un peu au clair. Henri III ne mange plus avec ses commensaux. Henri III demande à ce que les dépêches qui arrivent soient mises dans un petit sac de velours violet, ouais, la couleur de la justice, et qu'on lui lise les dépêches qui arrivent. Les secrétaires lui disent... Les dépêches étaient donc venant des ambassadeurs, venant des informateurs, venant de cet immense monde bureaucratique des partis dans les provinces et à l'étranger. Et ce qui est intéressant avec ces règlements, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas suivis des faits. Il y en a tout le temps, en permanence. Ils ne sont pas suivis des faits, puisque nous sommes en guerre civile. Et les secrétaires eux-mêmes parlent de ces règlements. Ils en parlent entre eux en disant « Mais on ne peut pas attendre le matin pour ouvrir le sac de velours violet. On va manquer des occasions. » Donc c'est très intéressant de voir qu'ils construisent même un discours de la pratique, justement, sur leur pratique politique de secrétaire. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous dites effectivement que ce moment bureaucratique qui commence à s'élaborer, il s'élabore dans le pire moment que la France connaît, donc depuis pas mal d'années, voire de décennies, voire de siècles. C'est-à-dire, c'est un moment de guerre civile. C'est-à-dire que c'est au moment où, a priori, l'État peut s'effondrer, qu'au bout du compte, il est en train de mettre en place les fondements de ce qui deviendra l'État royal du XVIIe siècle et l'État absolu du XVIIe, XVIIIe siècle. Vous avez parfaitement raison. Si on suit la sociologie de Michel Daubry, on est dans une conjoncture fluide en guerre civile de religion. Donc l'État qui naît sous Henri IV au début du XVIIe siècle, c'est une réponse. C'est une réponse à sa possible submersion. Et les secrétaires, et l'écrit politique, et ses administrateurs sont comme les flotteurs d'un ensemble plus vaste qui lui évite une submersion totale. Anaïs Quin. Ce qui est impressionnant, Vincent Mézy, lorsqu'on regarde vos travaux aux uns et aux autres, c'est de voir la simultanéité finalement de cette invention, de ces inventions de la bureaucratie, même si évidemment c'est très anachronique, de cette bureaucratie, mais à tous les échelons de la vie. Vous travaillez sur justement ces officiers moyens que vous nous faisiez découvrir tout à l'heure. On est étonné qu'il n'y ait pas plus de négociations, peut-être même de réticence à ce surcroît de présence de l'État central à travers le développement de cette bureaucratie et cette communication de papier qui se fait de plus en plus présente. Alors il faut bien voir que l'ambivalence de la croissance de l'État et de l'État dans ses dimensions bureaucratiques dans la seconde moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle, parce que il y a évidemment la bureaucratie qui peut être, ou plutôt l'administration fiscale qui peut être évidemment critiquée, contestée, voire de manière violente par des révoltes. Et d'un autre côté, il y a aussi le développement d'un État qui est un État modernisateur, avec des administrations techniques, hein, au XVIIIe siècle, les ponts et chaussées, par exemple, les ingénieurs des ponts et chaussées, qui ouvrent à la circulation économique. Donc évidemment, pour une partie des élites sociales et économiques, il y a des gains socio-économiques, voire des gains politiques. À la nouvelle administration. À la nouvelle administration, voire évidemment une adhésion Le terme de bureaucratie date du XVIIIe siècle, est dû à Vincent de Gournay. Il y a à la fois la valorisation et le dénigrement de la bureaucratie marche de toute façon de pair. Hein, et il faut le regarder notamment dans des contextes conjoncturels. C'est un instrument polémique fort. Et vous dites, parlez-nous un peu de cette enquête de 1664 qui, selon vous, a joué un grand rôle justement dans la structuration de cette vision du rapport entre l'État central, pourrait-on dire, et l'administration, justement, l'administration avec des clientèles administratives qui se développent à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que cette enquête de 1664 ? Alors, c'est une enquête qui a été faite, je pense que vous faites allusion à l'enquête qui a été faite pour connaître notamment les magistrats des parlements, des cours souveraines. Alors, c'est une enquête qui a été faite pour identifier notamment le degré d'adhésion politique au régime, qui a ouvert toute une série d'enquêtes. La plus célèbre étant l'enquête pour l'instruction du duc de Bourgogne en 1697-1698, qui est à la fois révélatrice du savoir d'État, de la science de l'État, pour reprendre une expression de Bourdieu, qui se développe, qui veut une connaissance à la fois rationnelle des ressources économiques humaines du royaume. Donc ça serait du côté versant monarchie administrative. Et de l'autre côté, on a parfois dans ces mémoires des intendants des notices sur un certain nombre d'officiers pour apprécier les fondements sociaux de leur autorité administrative. C'est pas le spoil system que certains souhaitent voir mettre en place en France d'ici quelques temps, mais en gros, c'est pour juger la fidélité potentielle au pouvoir politique de l'époque de ceux qui sont censés le servir dans les provinces, par exemple. À la fois l'adhésion politique et l'efficience, l'efficacité administrative, qui est d'autant plus renforcée qu'il bénéficie d'un crédit, c'est un terme qui revient, c'est-à-dire notamment d'une autorité sociale qui permet de doubler le lien institutionnel bureaucratique. Anaïs Kier. Oui, on parle d'adhésion politique, Jérémy Ferrer, Barthomeu, peut-être revenir sur cette question de ce qui motive ces nouveaux bureaucrates, c'est-à-dire qu'il y a une véritable conviction de la nécessité de chercher un bien commun, un bien public, ou alors est-ce que c'est un peu tôt et ce qui importe seulement à ce moment-là est de faire régner l'ordre du roi, tout simplement, mais qui ne se suffit plus à lui-même, puisque vous nous l'avez déjà dit plusieurs fois au cours de cette discussion, c'est une monarchie en crise qui invente cette bureaucratie. Alors évidemment, qu'est-ce qui fait courir l'administrateur en guerre de religion ? Plein de choses. Il n'est pas bureaucrate toute la journée, il n'est pas concentré sur ses intérêts privés toute la journée. Oui, parce qu'il reste marchand aussi, il reste... Il peut y avoir des ponts, évidemment. Les emplois sont doubles, triples. On est secrétaire de la chambre, et puis commis d'un tel, et secrétaire d'une ambassade, et puis en même temps on porte des nouvelles commerciales. Donc ce monde connaît des formes d'hybridation très importantes qui se retrouvent aussi dans l'écrit et dans les compétences qui sont mobilisées. Cependant, on voit qu'il pense évidemment à un bien commun. Des gens comme Villeroy, et vous parliez tout à l'heure du spoil system, des gens comme Villeroy, des gens comme Bélièvre, sont renvoyés en 1588. Le ministère est vidé par Henri III, qui tente dans un ultime souffle de ressaisir la situation qui lui échappe quelques mois avant d'assassiner les Guises. Villeroy, Bélièvre, tous ces administrateurs vont rejoindre progressivement le camp d'Henri IV, le roi Honi, Huguenot, Relapse. Qui va les rappeler d'ailleurs. Qui va les rappeler, qui va négocier avec eux. Mais en réalité, toute cette frange d'administrateurs qui sont pour une très très large partie des politiques, en réalité, ils pensent que la construction au sommet de laquelle ils sont est une construction désirable, qu'ils aiment. Ça, c'est un premier point. Le second point qu'on peut également évoqué, c'est que, bien sûr, il y a des stratégies programmatiques, il y a des liens familiaux. Damien Fonviel prépare en ce moment une très belle thèse sur le clan Bochtel et la galaxie Villeroy. Il y a ces liens familiaux, ces liens sociaux, comme le disait tout à l'heure Vincent, qui vont venir redoubler, garantir le service de l'État, la confiance et l'expertise possible qu'ils en ont. Et vous avez fait votre thèse en comparant, parce que ça n'est pas une thèse que sur la France, en comparant avec d'autres monarchies à la même époque. Est-ce que, et c'est pour ça que vous avez, j'imagine, inventé ce terme de république européenne des bureaux, qu'est-ce qui passe justement de cet écrit, de cette gestion de l'écrit, d'une monarchie à une autre, par où cela passe? Est-ce que ça passe par les diplomates, par la diplomatie permanente dont vous parliez tout à l'heure? C'est-à-dire en gros ce travail de l'écrit où on rencontre son homologue de la monarchie adverse avec laquelle on peut parfois être en guerre. Est-ce que tout cela se met en place à ce moment-là, c'est-à-dire une sorte d'uniformisation des pratiques de l'écrit et des pratiques du gouvernement? Alors uniformisation, non, il y a des formes d'hybridation, des transferts, ça passe par les trahisons, les transfuges. J'ai le cas de ce secrétaire de Philippe II, très connu, Antonio Pérez, qui va trahir pour qui va se retrouver dans les bureaux d'Henri IV et puis dans les bureaux d'Elisabeth. Donc les traîtres, les transfuges, toujours très intéressant. Les agents doubles, les agents triples, qui justement exportent des manières de faire, des manières d'écrire. Et donc vous avez une circulation de ces éléments-là, qui est doit être évoqué. Mais il y a également des moments de colloque, des moments de négociation, des moments où justement l'oralité est parallèle à l'écrit. Et donc, ces gens se connaissent, se rencontrent, s'estiment. Vous avez bien évidemment la diplomatie permanente qui va jouer un rôle d'accélérateur dans cette circulation-là. Cependant, les pratiques sont pas homologues. En Espagne, ce ne sont pas les mêmes hommes qui pratiquent l'écrit dans l'entourage de Philippe II. Ce ne sont pas les mêmes hommes également en Angleterre. On ne range pas les papiers de la même manière. Vous n'avez pas Simancas en France. Vous n'avez pas Simancas. Il faut peut-être dire qui il est, oui, l'importance qu'il a auprès Vous n'avez pas cet énorme palais pour ranger les archives. Ce que Philippe II va construire et mettre en place de manière explicite. En France, nous n'avons pas de pénurie de papier. Nous sommes exportateurs. Hein, en Espagne, en Angleterre, c'est une autre question. En France, on ne range peut-être pas les papiers de la même manière, peut-être pour cette raison, et les administrateurs les emportent jusqu'à encore très tard, au XVIIe. Un extrait de Georges Dandin de Jean-Baptiste Lully dans notre émission consacrée à cette question de la bureaucratie, de la naissance de la République européenne des bureaux, donc entre la première modernité, le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Et nous sommes donc en compagnie d'Anaïs Quien, de Jérémy Ferrer-Bartemeux et également de Vincent Mézy et de Tiphaine Gomi. Tiphaine Gomi, ça n'est pas pour rien que ces questions se débattent au sein de l'École nationale des chartes, j'imagine, parce que la question de l'archive est essentielle pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Oui, effectivement. Donc, jusqu'ici, on n'a pas encore parlé du volume que représente en fait cette République des bureaux. On voit très clairement au XVIe siècle une inflation documentaire. Ça se voit très clairement en fait dans rien que dans le minutier central des notaires qui est conservé aux Archives nationales. À partir du XVIe siècle, on conserve suffisamment de minutes notariales pour pouvoir faire des études très très importantes. Au XVIIe siècle, on voit apparaître donc les archives des commissaires de police de Paris. Pour le XVIIIe siècle, ces archives des commissaires de police de Paris représentent 6000 articles. C'est énorme. Et donc, pour rebondir sur ce que disait également Vincent, à savoir que la société profite des bienfaits de l'administration, Cela se voit effectivement au niveau de ce volume d'archives et également dans la création de ce qu'on appelle des typologies d'archives. Donc il y a les inventaires, mais ça peut être des inventaires après décès, ça peut être des inventaires après séparation, des inventaires après faillite. Les contrats de mariage peuvent être très divers. Il y a des accords entre professionnels, entre privés. Et du coup, c'est une source irremplaçable pour appréhender à la fois une profession telle que les chapeliers, mais également la vie des Parisiens, mais également voir comment les bureaux, effectivement, pensent administrer la société à travers ces sources. Et la question du classement, évidemment, c'est penser classé, parce qu'évidemment, oui. C'est à partir du moment où on a une inflation documentaire, il va falloir classer tout ça, et donc on invente aussi les procédures de classement de tous ces documents. Oui, alors là, du coup, ce n'est malheureusement pas ma partie, mais effectivement, on invente des méthodes de classement qui sont pour l'instant faites en fonction des institutions, et puis malheureusement pour nous, il y a un type de classement qui est indépendant de l'archiviste, à savoir le temps qui passe, et les aléas, on pense tout de suite à l'incendie de la Cour des comptes qui effectivement a fait disparaître un grand nombre d'archives ou encore celles lors de la Commune sur les registres paroissiaux. Oui, Jérémy Ferrin-Bartomeu. En effet, les très beaux travaux d'Olivier Poncet, notre directeur de thèse avec Tiffaine, il s'intéressait à la manière de transmettre ces archives, de les classer, de les penser. Et ça, c'est en gros l'école de Philippe Audévivaux et du tournant archivistique. En gros, la manière de penser ces archives, la manière de les organiser, est également un acte politique et a produit des effets politiques et des effets sociaux. Le gros problème, je vous parlais de Richelieu tout à l'heure, qui arrive dans un bureau où il n'y a plus rien, c'est qu'il y a une forme de patrimonialisation de ce papier d'État, de ce papier politique, assez longtemps encore au XVIIe siècle. Moi, j'ai encore croisé, il n'y a pas si longtemps que ça, des gens qui étaient partis avec leurs archives, alors qu'ils étaient directeurs de cabinet d'un grand ministère. Bien sûr. Parce que jusqu'à il y a peu de temps, ça se faisait encore. Ça se faisait. Avec Yann Potin, nous préparons actuellement un dossier sur le dossier pour la revue Genèse. Et on va s'interroger justement sur le dossier comme objet d'histoire et comment est-ce qu'on constitue son dossier et comment est-ce que cela dit des choses. Au XVIe, vous avez des formulaires qui sont conservés à la bibliothèque de l'Institut, vous avez des registres. Mais Hélène Michaud, qui les a beaucoup étudiés, disait une chose que je trouve très intéressante. Elle disait, mais comment est-ce qu'ils s'y retrouvent? Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à savoir où est tel ou tel envoyé sur la route de telle ou telle ambassade? Pourtant, ça marche. Anaïsia. Alors, il y a une couleur de papier, il y a une texture du papier, mais il y a aussi un vocabulaire, un langage qui s'élabore avec ces objets de la bureaucratie. Est-ce qu'on voit inventer un nouveau langage, un nouveau vocabulaire de l'administration? Et est-ce qu'on voit une volonté de se singulariser, d'inventer de nouvelles manières de faire en inventant de nouvelles catégories? Ou au contraire, peut-être assez longtemps, jusqu'au 19e siècle, plutôt un désir de garder un vocabulaire commun à la cour ou en tout cas aux affaires d'État. Ça va, vous avez parfaitement raison, et ça va même plus loin que ça. Jusque dans la graphie, les secrétaires des guerres n'écrivent pas de la même manière que les que administrations. Villeroy écrit très mal. Vous n'avez pas de bol parce que vous êtes tombé sur un personnage qui écrit très mal. Oui, j'ai eu le mauvais. Mon directeur de thèse m'a dit que lui, il avait pris le bon, Bélièvre, qui écrit très bien. moi, j'ai l'autre. Oui, ça va même plus loin. Il y a une graphie particulière et il y a des technologies qui sont développées, qui sont absolument magnifiques. Le chiffre, on va changer un mot pour un autre. On va changer avec des symboles. On va coudre le papier dans les vêtements. Le temps de l'aborder, mais il y a la question du secret aussi. La question du secret, de ce qu'on ne dit pas dans ces papiers qui circulent. Il y a la question du secret qui est évidente. Et en effet, savoir quoi ne pas dire dans un écrit politique, c'est également encore faire de la politique. Et c'est ça le vocabulaire nouveau, peut-être. Merci à tous les trois d'être venus pour évoquer cette question de la République européenne des bureaux. J'imagine qu'on pourra retrouver les suites de ce séminaire qui s'est tenu à l'école des Chartes pendant la première moitié de cette année, d'une manière ou d'une autre, avec ces séances et peut-être d'autres séminaires qui se tiendront sur ce thème. Merci d'être venus nous alerter sur la naissance de cette question bureaucratique. Et puisqu'on parle d'écrit, eh bien demain, on va parler d'un écrit imprimé, puisque le documentaire d'Amélie Meffre et de Marie-Laure Ciboulet porte sur la question du métier de typographe. On en écoute un extrait. Mon père était responsable de la composition du journal Le Monde. Avant, il était au Temps. Mon grand-père était à l'Humanité du temps de Jaurès. Et tous les autres avant étaient en Bretagne. Et les derniers ont fini chez Auberture. Donc vous n'aviez pas d'autre choix que de devenir typo aussi, alors? Si, j'aurais pu, mais comme on m'a fait comprendre qu'il y avait un mur entre nous et la classe supérieure,